Chapitre 15. Il n'entrait pas dans les intentions du colonel d'aborder tout simplement et tout franchement avec Michel la question qu'il voulait poser à celui-ci. En effet, il était à peu près certain que si l'on demandait brusquement à Michel « Vous plaît-il que Thérèse habite l'hôtel de son cousin pour diriger une ambulance que celui-ci désire établir ?» la réponse serait non. Dans quels termes ce refus sera-t-il formulé ? C'était ce qu'on ne pouvait prévoir, mais le refus lui-même n'était pas douteux. Pour accepter une pareille combinaison, il aurait fallu l'abnégation d'un ange, et Michel était un jaloux. En soi, cette jalousie n'était pas désagréable au colonel, car elle était une sorte d'affirmation des sentiments de Thérèse, mais en ce moment elle était véritablement gênante. « Tout à l'heure, dit-il, j'expliquais à mon oncle un projet d'ambulance dont je m'occupe, mais avant de vous le soumettre, je voudrais vous consulter sur une autre question, plus urgente peut-être. » « Cependant, les ambulances, dit Sorieul sentencieusement, doivent incontestablement préoccuper les amis de l'humanité. » Antoine ne dit rien, mais il regarda son neveu avec surprise, se demandant ce que signifiait ce brusque changement d'idée. Pour Michel, il resta impassible, ne se doutant pas qu'il était l'acteur principal de la scène qui s'engageait. Le colonel continua. J'ai envoyé ce matin une dépêche à Birmingham pour acheter 300 fusils à tir rapide avec un approvisionnement de munitions. J'ai donné toute latitude pour le prix et n'ai mis qu'une condition au marché pour la livraison qui doit m'être faite ici le 12 avant midi. Nous sommes aujourd'hui le 7. Je ne crois pas que les armées allemandes aient commencé l'investissement de Paris à cette époque. Il faudrait pour cela une rapidité de marche qui n'est pas dans leurs habitudes. Achetés aujourd'hui à Birmingham, expédiés par grande vitesse, les armes et les munitions doivent donc pouvoir m'être livrées. Mon intention était de les offrir aussitôt que je les aurais reçues au gouvernement, car il n'y a pas d'offrande plus utile à faire à la France en ce moment. « Voilà une idée virile, » s'écria Sorieul, digne d'une âme patriotique. « Mon cher Édouard, permettez-moi de vous adresser mes félicitations. Vous faites un noble usage de votre fortune. » Au moment où j'ai envoyé ma dépêche, reprit le colonel, mon intention, je viens de vous le dire, était d'offrir ces fusils au gouvernement. Mais certaines paroles de Sorieul pendant le déjeuner m'ont donné à réfléchir, en me montrant qu'il règne en ce moment une certaine désorganisation dans les bureaux. Ils n'ont pas l'esprit méthodique, dit Sorieul. D'autre part, poursuivit le colonel, vous nous avez expliqué, vous, mon oncle, qu'il y avait un assez grand nombre de gens de bonne volonté qui n'ont pas pu encore, malgré leur démarche, se faire incorporer dans la garde nationale, de telle sorte que quand mes fusils arriveront, il pourra se produire ceci, on ne les distribuera pas, et cependant il y aura des mains tendues qui ne demanderaient pas mieux que de les recevoir pour s'en servir courageusement. Cela est à craindre, n'est-ce pas ? Assurément, dit Sorieul, et si vos fusils arrivent, quand je vous dis que mes fusils arriveront avant l'investissement de Paris, « Je parle avec certitude, » répondit le colonel, « et vous pouvez être pleinement rassuré à cet égard. En effet, voici une réponse à mon télégramme qui me dit que si je veux payer 300 Remington, à raison de 160 francs le fusil, ce qui est à peu près le double de la valeur réelle, on prend l'engagement sous peine d'un fort délit de me livrer ces 300 fusils ici, avec un approvisionnement de 500 cartouches par fusil, le 12 avant midi. » Je suis tout prêt à ce sacrifice. Cependant, interrompit Sorieul, nous n'avons pas le temps de marchander. D'ailleurs, il faut considérer que pour me faire cette livraison, on rompt peut-être des marchés conclus, ce qui entraînera des dommages-intérêts. Le télégramme n'entre pas dans des détails. Il me pose des conditions qui sont acceptées ou refusées. Pour mon compte, je suis tout disposé à les accepter. Seulement, je voudrais être certain qu'une fois mes fusils ici, je trouverai à les placer rapidement et utilement. Cela est juste, dit Sorieul. Je ne veux pas qu'on me réponde que l'armement se composant de fusils chasse-pot à tabatière ou à piston, mais Remington serait une complication de plus. Ce serait une trahison, s'écria Sorieul. Trahison ou non, cela peut arriver, et je ne veux pas rester avec 300 fusils dont je serais fort embarrassé. Voilà pourquoi je vous consulte. Antoine, Sorieul et Michel se regardèrent tous trois, en se demandant ce qu'ils pouvaient répondre en pareille circonstance. « Faites toujours venir les fusils, » dit Antoine, quand vous les aurez, nous trouverons à les employer. J'avais pensé un moment, dit le colonel en voyant qu'on ne répondait pas à sa question, dans le sens qu'il désirait. J'avais pensé à former un corps franc. Excellente idée, dit Sauriol. Sans doute c'est une idée qui a du bon, mais là aussi du mauvais. Je ne vois pas, au moins pour moi. En quoi donc? Vous oubliez, n'est-ce pas, que je ne suis pas français. Légalement. C'est évident. De cœur, je le suis, et je vous le prouverai. Mais légalement, il me serait difficile à moi, colonel des États-Unis, d'organiser un corps franc dont je prendrais le commandement. Avec le système d'indiscrétion que les journaux pratiquent à mon égard, cela serait bientôt de notoriété publique et amènerait des complications que je désire éviter. Je puis d'autant mieux parler ainsi que si ce corps se formait, je suis prêt à m'engager dedans, mais comme simple soldat. Vous, un colonel, simple soldat. Je crois que les colonels de cavalerie n'auront pas un service bien actif à faire pendant le siège. D'ailleurs, il y aura bien assez de gens, si je ne me trompe, qui seront heureux et fiers de cavalcader à cheval. Simple fantassin, je serai plus utile. Et puis laissez-moi dire entre nous qu'il ne me conviendrait pas d'accepter un grade d'un corps que j'aurais armé et habillé. Il me semblerait que j'aurais acheté mon grade. Très bien, dit Antoine. Et cela pourrait être aussi l'opinion de mes soldats, ce qui nécessairement produirait un effet fâcheux. Jusque-là, Michel avait écouté sans se permettre la plus légère interruption. Il leva la main. « Ce corps que vous ne voulez pas organiser ne peut-il être formé par d'autres » dit-il. « Mais sans doute. » J'arrive à Paris comme si je tombais des nues, et je ne sais rien. Mais par ce que j'entends, il me semble qu'il y a encore bien des gens qui ne concourent pas à la défense. Ainsi, nous sommes quatre ici, et tous les quatre, nous n'avons rien à faire. Beaucoup doivent être dans le même cas. « Assurément, » dit Antoine. « Et plusieurs de nos amis qui se sont mis dans la garde nationale voudraient prendre une part plus active à la défense. » « C'est à ses amis qu'il faut s'adresser, » dit Sauriol. Le colonel n'avait plus rien à dire. L'idée qu'il venait de suggérer était adoptée, elle marchait toute seule. On ne fut pas longtemps à s'entendre et à se mettre pleinement d'accord. Il fut convenu qu'Antoine et Michel allaient s'occuper de réunir ceux de leurs amis qui voudraient s'engager dans ce corps. « Prévenez tous ceux qui vous répondront affirmativement, » dit le colonel, « qu'ils seront armés et habillés. Mais en même temps, prévenez-les aussi que le service qu'on leur demandera sera celui des avant-postes, c'est-à-dire pénible et dangereux. Il faudrait trouver un beau nom pour ce corps, dit Sauriol, qui n'oublie jamais le côté littéraire. Le nom importe peu, cependant. Il en est du nom comme du costume. Ce qui sera le plus simple sera le meilleur. Enfin, j'y réfléchirai. Ne livrons rien à l'improvisation, conclut Sauriol. Sauriol aurait voulu qu'on fixât l'effectif à 300 hommes. Mais le colonel fit observer que n'ayant que 300 fusils, il fallait garder une réserve et que 250 hommes suffiraient. « Il est de fait que 250 hommes bien choisis, dit Sauriol, et bien dirigés, peuvent faire une utile besogne. » Le temps avait marché pendant cette discussion, mais Antoine ne pensait plus à l'heure. Quant au colonel, il avait obtenu ce qu'il désirait et son plan avait réussi. Maintenant, il pouvait aborder la question de l'ambulance. Ce premier point décidé, j'arrive au second, c'est-à-dire à l'ambulance. Puis se tournant vers Michel et s'adressant exclusivement à lui, il faut que vous sachiez que j'ai soumis un projet d'ambulance à Sauriol, qui m'a promis son concours, et à mon oncle, à qui j'ai demandé celui de ma cousine. Michel leva brusquement la tête. Voici ce dont il s'agit, continua le colonel, sans paraître remarquer ce mouvement. Je veux organiser une ambulance dans mon jardin. D'après le système en usage pendant notre guerre, lequel système est selon moi excellent et peut rendre de grands services pendant le siège. Le colonel m'a expliqué ce système, dit Sauriol, et je peux vous affirmer qu'il est vraiment parfait. Il consiste à élever dans ce jardin des tentes imperméables de manière à recevoir 150 blessés. Mais pour que cette ambulance fonctionne régulièrement et donne tout ce que j'attends d'elle, il faut qu'une femme soit chargée de la direction de certains services. J'ai déjà le concours de Sauriol. Mais je ne peux pas faire partie en même temps de l'ambulance et du corps des volontaires, interrompit Sauriol, tirant son revolver de sa poche. Vous seriez sans doute très utile parmi les volontaires, mais vous serez plus utile encore ici. C'est donc ici que votre devoir vous attache. D'ailleurs, j'ai votre promesse. Je ne résiste pas, j'obéis. J'ai donc le concours de Sorieul, maintenant il me faut celui de ma cousine. » Michel regarda Antoine, mais le colonel, qui ne le quittait pas des yeux, ne lui laissa pas le temps de poser une question. « Thérèse et Sorieul ici, » dit-il vivement, d'un ton dégagé. « Mon oncle là où il sera le plus utile, vous et moi aux avant-postes. Nous voilà tous employés selon nos aptitudes. » Présentée en ces conditions et en ces termes, la question ne ressemblait plus à celle qu'Antoine voulait adresser à Michel. En effet, il ne s'agissait plus de lui demander s'il voulait laisser sa fiancée en tête-à-tête avec le colonel. Ce tête-à-tête était écarté, puisque le colonel, au lieu d'habiter son hôtel, suivrait le bataillon de volontaires qui allait se former, et le service de ce bataillon ne serait pas celui de la garde nationale. On ne rentrerait pas coucher chez soi, on mènerait la rude existence du soldat en campagne. Il n'y avait plus de raison maintenant pour que Thérèse rentre à rue de Charonne. Qu'y fera-t-elle toute seule? Évidemment, elle serait beaucoup plus utile dans cette ambulance que dans leur logement, où elle n'aurait rien à faire. Quand je dis que nous serons tous employés selon nos aptitudes, reprit le colonel, comme pour réparer un oubli, je pense aussi à Denisot. Le brave garçon ne collera pas toujours ses affiches, il rentrera à Paris un jour ou l'autre. Que ferait-il? Ainsi qu'il me le disait lui-même, il n'est pas en état de tenir un fusil, tandis qu'il sera parfaitement à sa place dans notre ambulance. Avec sa gaieté, avec son entrain, il distraira les blessés, et lui sera heureux d'accomplir une tâche utile dans la mesure de ses moyens. « Vous êtes un homme unique, » dit Sorieul, « vous pensez à tout et à tous. » Il était difficile de dire le contraire. Aussi Michel ne dit-il rien. Il n'avait qu'une chose à faire, subir cet arrangement en silence, et ce fut ce qu'il fit. Le colonel attendit quelques secondes, puis, voyant que Michel ne disait rien, il reprit la parole pour ne pas lui donner le temps de trouver des arguments de résistance. « Voilà donc qui est bien entendu, » dit-il. « Le conseiller est unanime, n'est-ce pas ?»« Comment voulez-vous qu'il ne le soit pas ?» s'écria Sorieul. « Nous serions de mauvais citoyens si nous n'applaudissions pas vos projets dès demain. » C'était le mot de la situation. Celui qui n'approuvait pas était un mauvais citoyen. Michel ne pouvait pas ne pas approuver. « Ainsi, » continua le colonel, « c'est à l'unanimité que nous décidons la formation d'un bataillon de volontaires et l'établissement d'une ambulance. À vous, mon oncle, à vous, Michel, de vous occuper du recrutement des volontaires. À moi de m'occuper des fusils, de l'équipement et de tout ce qui est nécessaire à l'ambulance. Nous n'avons pas de temps à perdre. Mon oncle, quand vous voudrez partir, je suis à votre disposition. Tout de suite. Et vous, Michel ?» Mais Michel n'accepta pas. Antoine et le colonel montèrent en voiture et pendant quelques minutes ils restèrent à côté l'un de l'autre sans parler. Ce fut Antoine qui le premier rompit ce silence. « Mon cher Édouard, dit-il, vous m'avez fait il y a quelques jours une promesse. Au sujet de Thérèse, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Eh bien, mon oncle, je l'ai tenue et je vous jure que je la tiendrai jusqu'au bout. Je ne me permettrai pas de vous poser une question à ce sujet. Je vous estime trop pour croire que vous pouvez manquer à votre parole. » C'est cette estime qui me fait vous demander en ce moment un nouvel engagement. Lequel ? Promettez-moi que d'ici la fin de la guerre, il n'y aura aucune rivalité entre vous et Michel. Cette rivalité existe sans notre volonté, mon oncle. Je veux dire qu'il n'y aura aucune querelle, aucune discussion, aucune explication. Mais, en échange de cet engagement, j'en prendrai un envers vous. C'est de ne pas consentir au mariage de Thérèse avant la fin du siège. Je veux que vos luttes particulières ne nuisent pas à la défense de la patrie. Il ne doit plus y avoir place dans nos cœurs que pour un seul sentiment, le sentiment patriotique. Voulez-vous prendre cet engagement ? Dans les termes que vous venez de fixer, oui, mon oncle, je le prends. Ainsi, je vous promets d'une part que je ne dirai pas un mot d'amour à Thérèse et d'autre part qu'il n'y aura aucune querelle ni aucune explication entre Michel et moi à ce sujet. Mais pour la rivalité, je ne prends aucun engagement. Je veux que Thérèse soit ma femme et je ferai tout pour la gagner. »